Bonjour, c'est Daniel Chenvez. Et ici, c'est Muriel Moreno du groupe Niagara. Nous sommes avec vous sur CKRL FM 89.1 à Québec. Aujourd'hui, tout est calme. J'ai un peu le vague à l'âme. J'ai un brouillon dans ma tête. J'ai même un peu l'air bête, mais c'est pas trop grave. Non, c'est pas trop grave. Vous êtes à Errance Rénaldine, tout est revenu. Un petit problème, là, on discutait, puis le temps passe. Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Ah. Et puis, bien, voilà, bienvenue à Errance Rénaldienne. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire en ouverture? Ben, c'est cela. Attends-moi un petit gars, tu vas tomber. Ah oui, c'est ça! Imagine-toi donc, moi, là, depuis quelque temps, moi, je fais du pollen. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du pollen. Tu fais du pollen? Tu sais, c'est, est-ce que avant de faire du miel, tu dois faire du pollen? Non. Je fais du pollen, moi. Non, t'es allergique au pollen. Mais non! Non! Hey! Je sais ce que je fais dans la vie, moi, là. Avez-vous ça, monsieur la pharmacie, madame la pharmacienne? Des petites pilules pour le pollen? Parce que moi, là... Imaginez-vous, c'est une cliente qui m'est arrivée avec ça cette semaine. Hey, elle a fait pas des allergies. Elle fait du pollen. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même jusqu'à 22 heures, si tout va bien. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change... C'est qui ça? T'as-tu vu le pitre? Ben moi, rentré à l'école, j'ai vu les pupitres, mais je n'ai pas vu de pitre. Ah oui, celui en avant qui nous disait « Ah, vous allez travailler fort, vous allez en avoir des devoirs. Vous n'avez pas fini d'en avoir des devoirs, parce que la vie, c'est ça. » C'est des leçons et des devoirs à profusion. Ça, là, c'est comme un buffet froid ou un buffet chaud. Même mieux froid ou chaud. Ben, est-ce que c'est le même prix, froid et chaud? Ben oui, c'est le même prix. Ben, je vais prendre chaud. Ça coûte plus cher pour le faire. OK. Alors, c'est une très bonne idée, toi. Tu fonctionnes selon pas tes goûts, mais... Ben, ça coûtait cher. OK. Ben, ça oui, parce qu'il y a de la viande. De la viande chaude ou de la viande froide? Ben, si c'est pas chaude, on va te donner 3 bières. Comme ça, tu vas être chaud. Tu vas manger de la viande chaude. Ouais, je pense... Je crois bien que... Non, je pense pas, moi. J'ai passé proche de dire une énormité. Moi. Ça fait longtemps que je pense plus, moi. Il n'y a plus personne qui pense, hein? Ça réfléchit, mais ça réfléchit pas fort. Comment ça? Ben, devant le miroir de Lévis, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois une forme difforme. Difforme, puis on se forme. Bon, non, on se forme pas, on se ferme. On se ferme, OK. Après quoi, donc? Ben, c'est ça, c'est Errance Rénaldienne. Aujourd'hui, le 27 août 2010. 27 août. La semaine prochaine, on est au mois de septembre. Après le mois d'octobre. Pas de novembre, mois de décembre, mois de janvier 2011. Comme ça, ça change pas. L'errance et l'errance rénaldienne présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée. OK, oui. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes et les chaussettes pas très propres. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Nous plaçons cette semaine sous les projecteurs le groupe cher à l'errance rénaldienne, Coup de Moron. C'est comment? Coup de Marron. OK, mais pourquoi ça t'a dit Coup de Moron? Parce que je suis entouré de morons, moi, là. Pense, quoi, est-ce que tu t'imagines sincèrement? Que dans ma vie, je vais rencontrer des gens autres que morons. Oui, mais on se ressemble un peu, hein? On se tient avec les gens de notre clique. Tu veux dire que j'en suis un? Ben, j'ai bien peur, mais t'es un moron conscient. Un moron conscient, ça c'est... Est-ce que c'est mieux vaut être conscient ou inconscient? Le moins conscient possible, hein? Comme ça, tu souris davantage, t'es un peu insignifiant, puis ça passe tellement bien. OK. Alors, c'est Coup de Marron. OK, Coup de Marron. Alors, Coup de Marron chante les secrets, hein? Chante beaucoup de secrets, des colères, des doutes, des séparations sur une musique tantôt acoustique, tantôt électrique. Une mandoline, hey, là, un ukulélé. Moi, j'aime ça, je joue l'ukulélé parce que l'ukulélé a combien de cordes sur le ukulélé? Lélé, la, Quatre ou six. Oh, la mienne en a quatre. Ah, oh, OK, t'as un beau ukulélé? J'ai un beau ukulélé. Oh, youhou! T'as-tu la... Non, elle t'a plus... As-tu les instruments de... De symphonie pastorale? La symphonie pastorale. Et la... OK, non. Ukulélé, y'a de quoi beau sur ton grand chapeau. Ouais, ouais, ouais, ukulélé. Ra-da-da, to-do-la-do-da. Nicordi, tais-toi. Tais-toi et marche vers ses pas. Alors, coup de marron, unique, une musique unique, tantôt acoustique, ukulélé et accordéon, pour faire les yeux doux, une petite batterie. C'est pas une batterie, ça, c'est une bouche, OK. Et des guitares pour faire les gros yeux. Ah, tentant d'assumer ses pulsions rock, ses émotions ou bien ses réflexions les plus personnelles, Coup de marron hurle et caresse sa chanson française. Et pour nous envelopper dans une atmosphère c'est la police qui m'a dit « Couche-toi! » Je m'endors pas. « Couche-toi! » Je m'endors pas. « Couche-toi! On va tirer! » Ben, tirez-moi, je vais me coucher, peut-être. Parce que vraiment, là, moi, j'ai la pine dorsale là, qui dépine pas quand je me plie. Fait que, non, t'as pas de petite tête pliée, là, tu t'es couché. Je fais pas. Il est pas là. Ma maman me l'a pas dit. Comment ça? Ma maman me l'a pas dit. Ben, appelle ta mère, t'as ça, c'est l'heure. Gertrude, donne le déjà. Ça, c'est une nouvelle policière, ça. En plus, elle fonctionne avec des comment t'appelles ça? Donc, d'audition, là, des problèmes auditifs, là. Puis on doit crier. Tout le monde entend dans le quartier, sauf elle. Ah ouais, donne ton cellulaire, il va appeler. Ouais, il va appeler sa mère. OK. Ben, prête-moi le téléphone. C'est quoi le numéro de ta mère, toi, là? C'est 88. 648. 648. OK. J'espère qu'elle va répondre, elle, là. Ça sonne. Bonjour, monsieur. Et comment ça, vous saviez que j'étais un monsieur? Ah! Moi, j'ai un téléphone qui voit à travers le blanc. Oh, mon Dieu, est-ce que suis-je plus blanc que le blanc? Oh, vous êtes rosé. Oh, ça doit être ma circulation sanguine. J'ai devant vous, qu'est-ce que vous avez? Mon téléphone. OK. C'est moi. J'ai devant moi, c'est pas devant vous. Ah, devant vous, vous avez votre téléphone? Oui. Ben, devant moi, j'ai votre fils. Oh, mon Dieu. J'ai demandé de se coucher, mais là, c'est vous, la mère, qui devez lui dire couche-toi. Oh, oui, ben, oh, c'est mon petit dernier. Hein. Ouais, mais... C'est pas fort du ciboulot, ce petit gars-là, là. Ah, ben, c'est mon petit dernier. Je vais vous le passer. Dites-lui, couche-toi, OK? Oui, prêtez-moi, là. Ah, oui, c'est à ton tour. Oui, allô, maman? Oui, couche-toi! Allez, c'est couché. Là, on a dû appeler l'ambulance parce qu'il voulait plus se relever. Il fallait rappeler sa mère. Sa mère était partie acheter quelques ingrédients pour sa sauce à spaghetti. Puis, ah, mon Dieu. Là, on dit, lève-toi! Il voulait plus se lever. Ta mère est plus là. Lève-toi. Là, j'ai essayé d'imiter sa mère. Il pensait que c'était un téléphone qui sonnait. Ça fonctionne. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous pendant le reste de la saison estivale autour des artistes que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de mon émission Errance Arénaldienne. À la fin de chaque rencontre, je clôturerai mes entretiens par 10 questions. L'intégralité de nos discussions vous seront présentées à la rentrée et pendant toute l'année. Et cela pendant toute l'année. Cet avant-goût vous incitera à connaître le microcosme de ces artistes. Pour le temps d'un rendez-vous... Comment? Qu'est-ce que tu dis? Pour le temps de rendez-vous. Oh, OK. Pour le temps de rendez-vous, ils s'abandonnèrent à la confidence et à une générosité hors du commun. Tour à tour, vous avez entendu Jean-Claude Dreyfus, comédien, Agnès Bill, chanteuse. Oh, la police tourne le coin. J'espère qu'il n'y a pas un incendie à Rio. Ça va être assez loin, Rio-Québec, hein? C'est quoi? En tramway? On n'a pas de tramway. Avec ça se construit, ça, là, tu vas attendre longtemps. Alors, on y doit avoir un spécial sur le... Anne-Sophie Charon, qui est, je vais le redire parce qu'elle va dire que je l'ai martyrisée. Anne-Sophie Charon, qui est chanteuse, comédienne et illustratrice sonore de publicité. Pierre Mikaloff, la semaine dernière, que nous avons entendu, qui est un biographe et dramaturge. Et Yann Péchin, aujourd'hui, qui est le guitariste pour Alain Bachung, qui était guitariste pour Alain Bachung. Parce qu'il ne veut plus faire de spectacle, Alain. Là. Il dit, on va laisser la chance aux autres. Et Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Hubert-Félix Thieffen et Christophe Miossec, c'est les gens qui l'ont accompagné

en tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'homme lunaire lorgne vers la liberté, cette assiette ouverte au goût et aux délices infinis. Oh, délices infinis, priez pour nous, pauvres nageurs. Ah ouais, noie-toi, Jean-Pierre. Noie-toi. Ouais, j'aime pas ça les noix, moi je suis allergique. Non, pas les noix que l'on mange, le fruit, c'est incroyable d'appeler ça un fruit, les noix. C'est sec, puis c'est pas juteux. Ce qui est pas juteux est toujours un peu... Sec. Un peu sec, ouais. Dry gin, c'est sec, ça. Non, c'est pas juteux, mais c'est liquide. Ouais, mais c'est au goût, hein. Brrr, toi, brrr, ça fait brrr, ouais, monsieur. La vodka, c'est sec. Ah, c'est très sec, mais c'est humide, c'est bizarre, hein, au goût. Un vin rouge sec, pourtant, c'est liquide, c'est humide, mais c'est pas humide, c'est sec. Comment ça? Ils veulent me mêler. Pendant toute ma vie, je serai dans cette infinie compréhension de l'humanité. Je serai incapablement incapable jusqu'à la fin de ma vie. Pardon? J'essaie pendant toute ma vie de comprendre. Comprendre quoi? Qu'il n'y a rien à comprendre. Est-ce qu'on a raison de dire que même si on essaye de réfléchir sur des structures comme celle-là, un vin sec, ben voyons donc, tu mets ça dans ma coupe. Il me semble que c'est liquide, c'est humide. Oui, mais c'est au goût. Ah, au goût, pas la sensation. Mais oui, ça a une sensation de sécheresse buccale. Ben, sécheresse buccale, regarde-moi l'autre. Toi, tu dois avoir étudié en Belgique, en sommellerie belgeois, désolé, belgère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient plus de laine ou en chapeau melon, pleurez, belgère, prends garde à te garder, belgère. Un jour, tu vas périr, désolé, belgère. Dis pas mais, nous sommes au mois d'août. Il n'y a pas une chanson qui parle du mois d'août. Oh, oui, moi, j'en ai composé une, mais ça n'a pas été un franc succès. Donc, je ne me cacherai point que j'ai tenté de tenter, mais comme il n'y avait rien à tenter là-dedans, le monde n'était pas prêt par une chanson aussi intellectuelle que la mienne qui parlait du mois d'août. Oh, et avez-vous l'air? Ben, l'air de rien, oui, j'avais l'air de rien parce que j'ai dit à mon impresario qui s'appelait Georgette, j'ai dit, premièrement, toi, on ne nommera pas à la télévision ni à la radio, c'est pas vendeur, ça. On peut-tu modifier? Parce que moi, je connais plein de Georgette, il y a Georgette Plana. Tu connais Georgette Plana? Oui, c'est une chanteuse. Une chanteuse, la belle Georgette. Ah, c'est... Il y a Georgette Tremblay. Pas la... Oui. Celle qui chante des chansons à répondre. Mais c'est une des rares chanteuses qui pose les bonnes questions pour y répondre. Oh! C'est vrai, c'est unique. Ah, ses albums peuvent durer 3-4 jours, hein? Tu fais jouer ça, ça finit plus. C'est de la musique infinie. Pourquoi la mer coule-t-elle dans mon assiette? Hein? Pourquoi la mer coule dans son assiette? Ben oui, parce que sa belle-sœur fait de l'art abstrait. Et elle fait des belles petites assiettes, des fourchettes, des cuillères, hein. Elle fait aussi des couteaux avec des motifs. Et elle avait fait la mer. Et là-dessus, ça l'a amené une idée extravagante, super intéressante. Et qui, malheureusement, c'est comme l'œuvre de Ionesco, hein. C'est de l'absurde. Et comme les gens ne sont pas prêts par l'absurdité de la musique, mais ils sont quand même gagnants lorsqu'ils vivent dans une société aussi absurde que maintenant. Mais dans l'art, ils veulent quelque chose de rassembleur, hein? Une colombe est partie en voyage. Ouais, ça, c'est rassembleur, moi, ça. Ça me rassemble vers l'extérieur. Je veux plus rentrer quand j'entends ça. Oh, fais partir la colombe, mon concombre. On y va, c'est Rance Canadienne jusqu'à 22h. Je n'ai plus d'endroit pour les étoiles qui n'ont pas les couilles d'enlever le voile. Je n'ai plus d'endroit pour les étoiles en papier.

310 Saint-Roch ou à labarberie.com. Cette année encore, la fin de semaine de la fête du travail est le théâtre des célébrations de la fierté gay à Québec. Du vendredi 3 au dimanche 5 septembre, participez en grand nombre aux activités colorées organisées sur la rue Saint-Jean-Piétonne, à Place Youville et au cabaret Club Le Drag, dans le cadre de la fête arc-en-ciel de Québec. Un événement qui vise à promouvoir le respect de la diversité sexuelle et à rappeler l'importance de la lutte contre l'homophobie. La programmation complète est en ligne à glbtquebec.org. La fête arc-en-ciel de Québec est une présentation de la Banque TD. La radio culturelle. Syracuse avec Denis Lelièvre, les dimanches midi. CKRL 89.1 changera de visage. Dimanche 12 septembre, lors du lancement de sa programmation automne-hiver, en direct sur la 3e avenue, coin 4e rue, CKRL dévoilera ses nouvelles couleurs, à la fois visuelles et sonores. Et vous pourrez être parmi les premiers à les découvrir sur le coup de midi. Soyez là dimanche 12 septembre midi, en plein cœur de la fête que vous propose votre station pour son lancement. La radio culturelle à Québec. 80 La radio culturelle à Québec. Brûle! Brûle! Ça, c'est ce que disait Coup de Marron. A-t-il brûlé? Ah ben, ça me fait penser à la pauvre... Ah, elle n'était pas pauvre, hein? Elle était remplie de richesses intérieures. Je sais pas pourquoi on attribue la pauvreté souvent, hein, à l'argent. C'est une question monétaire, la pauvreté. Moi, au contraire, la pauvreté intellectuelle me dérange beaucoup plus que la pauvreté monétaire. Hey, quelqu'un qui est pauvre, qui a pas une maudite selle, mais qui est riche intellectuellement, c'est ça la valeur suprême. Ouais, mais ça, là, ça fait pas fonctionner le rouage économique. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Ça ne fait pas fonctionner le rouage économique. Ouais, puis? Ben, la société fonctionne selon ce critère. Oh, alors pas une selle qui crève, mais toutes les connaissances? Ouais, c'est toutes les connaissances... Tu crèves aussi, t'as pas une scène, tu crèves. Ah, ben bref, tu crèves tout le temps. Ben, c'est le but de la manœuvre. On y est pour mourir, hein. Oh, hey, là, on est dans des vulgaires. On n'a jamais su ça, nous autres, là. Tu nous apprends ça à 9h03, 21h03. Nous sommes le samedi 27. On est le 27. Monsieur Gates, s'il vous plaît. Monsieur 29. Nous sommes le 28. 27. On est quoi? On est le 28! Moi, à chaque fois qu'il change de jour, je suis toujours sur la journée avant, moi. On est le 28, puis tu nous dis ça! Ouais. Oh! T'as mangé du tofu, toi? Ouais. Oh, c'est ça, mange de la viande, tu vas être un peu plus en forme. Au contraire. Au contraire, ben, regarde-moi ça. C'est ça, continue à boire de la soupe, puis à manger du tofu. Alors, c'était Coup de Marron avec Brûle. Et un bon steak, là. Je sais pas si vous mangez actuellement. Bon appétit à tous. Il est 21h03. C'est l'heure du repas. Vous êtes devant une... Non, j'espère que non. Ça va briser votre soirée. J'espère que vous êtes seul. Je vous le souhaite. Parce que là, avec une autre personne, c'est gênant de manger. Écoutez, c'est KRL. Parce que personne parle actuellement, là. Tout le monde est là pour se dire qu'est-ce qui va se passer. Moi-même, je le sais pas, là. Je sais, j'ai jamais rien su, mais... Alors, si vous vous retrouvez avec votre buffet chaud, hein, votre riz, vos frites, votre poulet, vos ananas au poulet, le poulet dans l'ananas, poulet dans l'ananas, mon nom est Sédédé, poulet dans l'ananas, mon nom bombé, dans le poulet, il y a un petit œuf dans le poulet, il y a un petit œuf. Un petit œuf, mais on souhaite que c'est pas un œuf à la coque, un quoi? Un œuf à la coque. Sais-tu comment tu fais pour savoir si c'est un œuf à la coque ou un œuf ordinaire? Tu le casses, non, mais avant, regarde-moi les signifiants. Avant de le casser, là, t'as deux œufs devant toi, tu sais pas lequel est lequel. Mais moi, je le brasse, j'entends ça, moi, le jaune qui tape sur la coquille. Ah, ouais. T'entends des affaires, toi, que personne n'entend. Ouais, mais j'ai l'oreille universelle, ben oui. T'es comme Arnold Schwarzenegger. Comment ça? Lui, il a le corps de l'homme universel. Mais non, ça a été monsieur... c'est quoi? Monsieur Musk, lui, ça a été monsieur... mais ça n'a pas été cassé intellectuel numéro un, ça, par contre. C'est pour ça qu'il est rendu où ce qu'il est rendu, puis qu'il peut dire à des gens, tu vas mourir, toi. La chaise électrique ou les infusions, t'as pêché, tu vas crever. Tu parles d'une belle vision, toi. C'est pas parce que quelqu'un a torturé qu'il faut tuer l'autre. Dans un cachot, c'est beaucoup plus dissuasif que de lui enlever la vie, à mon avis. Mais en tout cas, Arnold, c'est Arnold. Arnold doit jouer avec ses Arnold lui-même. Non, moi, il joue avec ses OK. Excusez-moi. Alors, Alain Bachung avec Résident de la République. Tu t'es étouffé? Ça m'arrive souvent de faire comme un humain, hein? Parce que les gens se disent, ah, c'est un robot. Ah oui, tu as l'air très robotique. Oui. Moi, je fonctionne avec les disquettes SD. Les quoi? Les disquettes SD. Ah, les petites plaquettes, là. À mémoire, oui. 8 gigs et plus. Oh, ça contient ce cerveau-là? Ouais, mais c'est vierge. Hein? Oh, t'as le cerveau vierge. Ouais, ben. J'aime bien les vierges. Il a ici maintenant, attribuons, il y en a de moins en moins. Hein? Il y en a de moins en moins. C'est comme l'œuf, hein? L'œuf à la coque. Il faut toucher, il faut brasser pour savoir si c'est vierge. Là. Comment tu fais? Ah, ben, ça, j'ai des tactiques. Oh! On ne peut pas en savoir une à 21h06. Non, il y a eu trop tôt. OK. Là, ici, là, peut-être à minuit, à un moment donné, si on me cédule très tard dans la nuit, là, de 3h à 3h05, là. Une errance de 5 minutes? Ben oui. Tu dis bonjour à la prochaine, ça dure 5 minutes, puis fini, puis leur mandat... OK. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ils n'ont pas de mandat, OK. Ben ça, quoi que hier, hein? Tu te souviens de ton aventure d'hier? Arrête-moi ça, toi! Oui, allô? Oui, allô? Ben c'est la police! On a un mandat! Oh non, Gertrude! Cache la sauce à ce spaghetti! Cache la sauce! On a un mandat! Couche-toi! Appelle ma mère! OK. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui. Là, les gens n'ont rien compris s'ils n'ont pas écouté le début de l'émission. Faut pas me prendre, comme on dit dans le milieu québécois, sur le fly. Sur le fly. Fly to the moon, I'll be standing on the star. Fly me to the moon, oh, it is on the air. Ça, c'est de l'anglais. Hein? Là, ici, maintenant, vas-tu le dire? Oui, mon Charles, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la phrase... À partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. C'est ici. On a le. Je brasse, quoique ça a été brassé pendant toute la saison estivale. Puis ça a sué là-dedans. Les petits mots se sont donnés des petits bécots. Puis oh là là, il y a eu des petites feuilles qui. Ça prend combien de temps pour cogiter à. Des phrases de Bukowski. Ah, mais normalement, là, ça. Si ils ont eu une union universelle, là, ça devrait faire des petites phrases, là, en 2-3 jours. Hey, un humain, c'est 9 mois, hein? Ouais, mais un éléphant, c'est 1 an. Puis une phrase de Bukowski, c'est 3 jours. Hey, c'est mêlant, ça, là! Le titre de la nouvelle, on dit pas le titre de la nouvelle, on dit la première phrase du début d'une nouvelle de Charles Bukowski, c'est Je voudrais vous parler de lui. Je voudrais. Vous parlez de lui, comment il était beau, comment il était fier, comment il me donnait des coups de bouteille de bière à mon Robert. Ben oui, Robert, il avait toujours sa place au bar. En fait, j'arrivais avant lui, moi, j'étais un pilier, moi, pas à peu près, moi, j'étais empilé sur le pilier, j'avais mon bain, puis je savais que Robert arrivait 2-3 heures après moi, fait que moi, je commandais ma première bière, là, je parlais au barman, le barman n'en avait rien à cirer de mes conneries, mon barman, c'est ça, donc, je comprends pas quand tu parles. C'est... Comment, qu'est-ce que tu dis? Je vais t'offrir... Bonjour. Bonjour. Je vais t'offrir la semaine prochaine mon lexique du gossou. OK, le lexique. Du gars ivre. Du gars ivre. C'est ivre ton nom? Non, c'est Jean-Pierre. Oh, mon Jean-Pierre, tu es ivre? Ben, Jean-Pierre Yves Cauchimont. Cauchimont. Hey, t'es un poète, toi? Ben, je suis un chansonnier. Oh là là! tu fais des reprises? Ah, je reprends tout, hein. Je reprends mes études la semaine prochaine pour écrire mes propres chansons qui seront sur du papier blanc, donc très propre. C'est pour ça que je dis mes propres chansons. Ça pourra pas être souillé. Mais lorsque j'appliquerai, sinon, mon stylo bille sur le papier, c'est là que ça risque de cochonner. Oh! Alors, as-tu déjà des phrases? Oui, j'ai des phrases, mais là, Robert n'est pas arrivé. Non, Robert arrive, tu sais, 2-3 heures après toi. Oui. Je suis déjà un peu créatif à cette heure-ci. Oui, mais lâche la bière, là. Moi, je t'offre de l'eau minérale. L'eau minérale. Non, je vais rester là. Je boirai pas beaucoup de bière. Fais-tu me mettre un petit glaçon dans la bière? Comme ça, ça va rafraîchir. Oh, ben là, on n'a jamais fait ça. Je te donne une pièce, un dollar. Ah, mais pour une pièce, moi, qu'est-ce que je fais? Ouais, moi, je mets de la lumière. Mets la glace dedans. Alors, moi, tu lis un de mes textes, hein, qui était à l'époque. Ça fait 3 jours. Moi, l'époque, là, ça. Le temps n'a pas d'emprise sur l'époque. Alors, j'ai écrit Elle est comme moi, bleue comme neige. Oh, monsieur! Ça, c'est comme Rimbaud, faut avoir le lexique. Non, mais elle est comme moi, bleue comme neige. Oui, mais j'ai jamais entendu ça, là. Oui, mais moi, je fais de la littérature ou de la création totalement, comment t'appelles ça, unique. Ben, c'est plus unique, ça. J'ai jamais pu mettre la main sur un écrit qui divulguait des choses aussi étranges. Oui, mais c'est parce que c'est un lexique hors norme, hein? C'est presque comme l'autre, là, yo-yo. Yo-yo. Oh, yo-yo! Non, pas celui-là. Lâche-le, là. C'est, comment t'as, de l'absurde. Oh, mon dieu. De l'absurde. Ben oui, absurde. Oh, les gens accrochent pas là-dessus, là. Fait qu'il faudrait que tu écrives autre chose. Bon, la nuit était noire. Ma copine était blanche. Et le soleil arrivâme quelques heures après. Lorsque mon corps en l'a alangui sur elle, lui récoltait des je t'aime à volonté. Hey, oh, t'es un barman? Oui, un barman, oui. Oh, c'est beau, ça. Est-ce que tu peux redire? Ah, oh, non, moi, c'est très éphémère, mais ma poésie. Je la balance une fois et je la redis pas plus. Je suis incapable de remémorer, moi, tout ça. Non, c'est, moi, regarde, j'ai le cerveau du moineau, moi, là. Ah, oh, mon Dieu, veux-tu du pain? Non, mais je vais te dire, là, attends. On va arrêter ça, là. Les nerfs, toi, là. T'es les nerfs, la musique, là. On va te faire jouer, ça sera pas long. Le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, parce que, hey, c'est qui fait la mise en onde? Quel crotté fait ma mise en onde? Jean-Luc, c'est toi, mon crotté! Jean-Luc? Hey, y'a pas de Jean-Luc. Jean-Marc! C'est moi qui fais ma mise en... C'est moi qui fait partir les choses. Je suis le metteur en... Et je fais de la... Ah ouais. Le titre de la nouvelle de Chomskowski, hey, c'est vraiment de la réalité absolue. Les grands poètes meurent dans des marmites de quoi? Oh, j'aime ça. Les grands poètes meurent dans des marmites de merde. Ouais, mais on n'a jamais vu Robert au bar. Ben non, il arrive 3 heures plus tard. Oh, ben bon. Salut, mon Robert. Enlève pas ton gilet. Garde-le. Ça, c'est pour les initiés. Certains comprennent. Quand l'histoire est là sous la peau, on crache sur la dame noire à la faux. Ce sera jamais l'heure. Tiens, voilà mon bras d'honneur. Et toujours ça, acharné sur son sort. Moi, je vois rien d'écrit sur mon corps. Je fais semblant d'être fort. Rien qu'un gros menteur semblant d'être pas mort. Je mettrai du poison sur ma bouche. Si la mort veut venir me parler, et je dirai tous les mots qui touchent, et dans le dojo, elle les doigts croisés. Pas d'imprimerie sur mon auréole, ni d'étoile ange gardien, ni pas de bol, juste une invitation. À hurler mon prénom. Toujours pas de ligne à suivre sur le sol, mais j'ai mis des boussoles.

donc toute cette zone. Alors à 67 et puis, précisément. Et 60, disons qu'on va dire 67, 69, c'est-à-dire tout. Okay. Et puis tout d'un coup, bah, la révolution sexuelle, la liberté, ouais. Tout le peace and love, le fait, Woodstock, ouais, oui, bien que moi j'ai jamais été côté peace and love, mais cette notion de liberté. Pas qu'il y a les cheveux longs comme moi, là, oui, mais on a son voilà, ça. Mais c'est pas. C'est son c'est, côté artistique, voilà. Les cheveux longs. Ce que je veux dire, c'est que t'es le côté de la liberté, quoi, la ouais, notion okay. De liberté que tout d'un coup. C'est encore une des dernières époques où les gens faisaient de la musique, faisaient des choses sans se soucier. Osaient et se disaient, bon, un peu toujours mais sans se soucier de demain, de se dire d'en faire okay. Carrière, se disant que peut-être que dans un an tout sera terminé. C'est un peu punk aussi, là. On ne pense pas au lendemain. Ouais, mais nos futurs. Côté, ouais, nos futurs. Ouais. Mais sauf que chez les punks, c'était un nos futurs plus détruit, mais que plus radical. Plus radical. Puis même encore aujourd'hui, quand tu vas voir, excuse-moi, les Stooges, c'est toujours encore ce côté-là radical. No Future chez les punks, c'était plus une constatation parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce que ouais. Le No Future chez les punks, c'est parce qu'il n'y a plus de place pour le rêve, alors du bon présent, parce que de toute manière, la société est foutue. Oui, effectivement. C'était une plus puis une ils constatation. Ont de plus en plus raison. Voilà, et parce que, tandis que en 67, c'était plutôt, on essaye de faire une autre société. De Boomerang de Serge Gainsbourg, on ne sait pas, mais avant tout, il y a eu. On n'osera jamais dire jamais l'heure dans notre société. Il faut jamais dire l'heure juste, il faut toujours tricher, tourner, contourner les structures, contourner la vérité. À force de contourner, qu'est-ce qui arrive? On n'arrive jamais au but. On n'arrive jamais, c'est ça, t'as entièrement raison. C'est ça, on peut pas dire. Et le but! Parce qu'on peut, on veut pas. Il y a des stratagèmes, il y a des structures que l'on veut mettre dans des enfouissements souterrains. Les oublier, on veut tout oublier. Mieux oublier certaines choses. Hein? Et moi, j'ai voté la semaine dernière pour Ticu Baudouin. Hein? En fait, c'est notre concierge de notre immeuble. Puis j'ai regretté après. J'ai dit, Ticu Baudouin, c'est un frisé. Toutes les frisées frisent de rire. Ben, pas toutes les frisées, mais ce frisé-là, là, Ticu Baudouin. En fait, c'est même pas un vrai frisé, c'est un faux frisé, lui. Il s'est fait faire cette permanente-là par sa fille qui étudie en coiffure, qui a pas réussi son cours et ça se voit. Elle a jamais réussi ça, ce cours de coiffure-là, elle. Hey, monsieur, si tu verrais ça, sa tête, on dit, hein, ça ressemble légèrement à un tapis. Un beau tapis. C'est de toute beauté. Ah, ça en est gênant. Le coup de marron avec jamais l'heure. Et Serge Gainsbourg, comme un boomerang. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Cette semaine, et ce jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Est-ce que c'est un mot ou un verbe? On ne sait pas. On va te le dire, là. C'est clientèle, donc c'est un mot. Clientèle! Il y a de la bonne clientèle comme la mauvaise clientèle, hein? Il y a des gens qui jouent bien leur rôle de client et d'autres qui sont pourris. Attends un peu, je vais te passer toutes mes scènes noires, moi, là. Ça va te faire du bien, toi, t'en as besoin. Non, j'ai pas besoin de scènes noires, moi, là. Faites-vous en pas, j'ai un petit coffre pour ça. Ah, mais là, on n'a pas le droit de dire ça, vous, là. Vous êtes le caissier, ben oui. Ben oui, le caissier est pas obligé d'endurer toutes ces maigres d'une clientèle à la dérive, comme disait Bachong. Hey, écoute, tes scènes noires, là, tu roules-les, puis amène-les à la caisse impopulaire. Ben oui, mais là, la caisse est pas très populaire ces temps-ci. Elle ouvre à 10h, puis ferme à 10h05. Ben, c'est déjà assez long pour tout accueillir les bonnes femmes et les bonhommes qui veulent échanger leur scène. Voyons donc, amènes-tu des bouteilles vides, toi, à la banque? Ben, c'est des dépôts. OK. T'as un coffre là-bas? Ah, j'ai un coffre, moi. Hey, j'ai des vieilles bouteilles de bière, moi, là, de 1953. Ben oui, puis ça, 53, ça vaut 10 cents quand même. Non, ça vaut plus rien, hein. Ça, ben, en tout cas, rien actuellement, mais quand je vais mettre ça en vente aux enchères. Ben oui, oh, tu mets des bouteilles vides aux enchères. On sait jamais, l'odeur, hein. Ben là, ce genre d'odeur-là attire les mouches noires. Pas juste noires, hein. Les mouches à deux pattes qui te regardent et qui disent, hey, j'ai déjà connu ça, moi, ce temps-là. Ah oui. Ça, là, tu prends pas ta pète à mouche avec ça, là. Tu prends l'exterminateur. Oh, monsieur. Ouais, mais il faudra en exterminer du monde. Ben voilà. Mais ce serait bien. Ce serait. Au moins, on pourrait les loger sous la même enseigne, hein? Les amateurs de bouteilles. Oh, mon Dieu. Mais là, j'ai de la monnaie à te changer. Non. Monsieur le client, il n'y a pas de monnaie là-dedans. Ben, mon fils, là, dans sa voiture, là, il y a 22 $ de bouteilles vides. Non, pas de bouteilles vides non plus. Non, mais sont récentes, sont de 2010. Non, mais je veux rien savoir non plus. Pas de bouteilles vides, pas de chance. Mais tu prends-tu quelque chose? Ben oui, je prends l'argent papier. Je prends l'argent, la carte de crédit, débit. Oui, je suis très débile. Ah, ça, on le sait. En vous voyant, là, c'est criant de vérité. Oui, mais moi, j'ai une autre vérité à te dire. Oh! Mais allez-vous la dire après ou avant la publicité? Pendant. OK, pendant, c'est mieux, hein? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. Wow. Brasserie coopérative de travail aime son milieu. Elle est fière de soutenir l'économie sociale, les projets communautaires et les radios locales. Elle est aussi fière de vous accueillir dans son salon de dégustation où un choix de 17 bières à la pompe vous attend. La Barberie, c'est aussi des bières en bouteille, au goût riche et au son unique. Que vous soyez seul, en couple ou entre amis. La Barberie, 310 Saint-Roch ou à labarberie.com. Cette ovation pourrait être la vôtre. Première Ovation soutient la relève artistique de Québec en donnant aux artistes les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Que vous soyez artiste ou diffuseur, visitez premièreovation.com pour connaître tous les détails. Première Ovation, parce que la relève a sa place ici. Alexandre Béliard nous présente son troisième album, Des fantômes, des étoiles. Je ferme les bras. Ne manquez pas son lancement à Québec, mercredi 1er septembre, de 15h30 à 17h, en direct du Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. L'événement sera simultanément diffusé à CKRL 89.1. L'album des fantômes des étoiles d'Alexandre Béliard, disponible dès maintenant. Le 89.1 CKRL, la radio culturelle. Le cabinet d'errance, un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à vous. Le cabinet d'errance, sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec ce slogan rénaldien. Ça n'a jamais été attendu, ça. Ben oui, ben ça. On aimerait bien ça l'entendre maintenant, là, comme si ça n'a jamais été entendu. On est prêt à tout. Oui, êtes-vous certain? Ah, je suis très certain, voilà, là. Alors, es-tu prêt à divulguer tout ça? Plus que certain. Le soleil s'étire sur les bikinis. Oh! Et ça, c'est estival, ça. Ah, ben, plus qu'estival que ça, là. Ben, t'attends, là, oui. Ça peut pas être plus. Non, ça peut pas être moins non plus. Alors, le soleil s'étire sur les bikinis. Eh, monsieur, il fait beau. C'est l'été. Il y a des bikinis. Hey! Oui, à part ça. Mais il n'y en a pas une mono. Ben non, on est stéréo, tout à ces querelles, on n'est pas mono. Le mono. Oui, mais c'est bien mieux le stéréo. Oui, ça sonne. Ça, ça sonne mieux, mais ça se regarde beaucoup plus d'une manière intéressante, le mono. Ben, ça se voit pas, le mono. Ben voyons donc, toi, lâche-moi le mono. C'est pas le mono, c'est le mono. Oui. T'as le moineau dans le mono, toi. Oui. J'ai toujours eu le moineau dans le mono, moi. Donne-moi du mono, m'envoie le mono, moi. Et quand je suis allé, faut que je vous raconte, arrête le personnage, quand je suis allé pour la première fois à Nice en 89, je l'ai déjà raconté une seule fois ici, au tout début d'Errance rénaldienne, il y a 4-5 ans, c'était l'après-midi, donc je me trouvais sur la plage de Nice, un peu comme celle-là, la la la, il faisait beau, la la la la la la la la, il faisait chaud et j'avais mon gaminé. À l'époque, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, l'émission avec Normand Brathwaite, Beau et chaud. J'avais le gaminet beau et chaud sur le torse. J'avais le t-shirt. Le gaminet, c'est un t-shirt. Oh, je savais pas ce que tu disais. Ben, c'est ça, c'est un t-shirt. Et je me promenais sur la plage un peu comme ceci. Non, lâche-moi. Et donc, je m'installe, je m'assis près de l'eau. Mais avant de m'installer, je déambulais pour me trouver la place, un peu comme une fauve au milieu d'un désert. Et là, je vois deux filles au loin qui me pointent du doigt en riant. Et donc, non, j'ai été retracé. Je faisais pas de radio à l'époque, donc j'étais pas sur YouTube ou sous aucune chaîne de vidéo Internet. Ah non, on le sait, c'est qui? Fait que là, je me disais, ben, je fous de ma gueule directement. Là, c'est direct. Et là, avant que je me penche vers mon gaminet et que je comprenne le double sens pour un Français de beau et chaud. Pour lui, ça n'a aucune connotation d'émission de télévision. Les deux gonzesses s'imaginaient que ce mec-là, moi, là, la chose, là, le spectre, hein, se trouvait beau et chaud. Et là, je me sentais plutôt chaud. Là. J'avais des sueurs. Là. C'était mon andropause avant le temps. Moi. Je ne l'ai pas encore eu. Là. Ils m'ont dit que ça s'en venait. Ils l'avaient envoyé par le courrier, mais comme ils sont trompés de code postal, ça devrait être plus long. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Je me dis, ah non, qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle gaffe! Et j'avais sur mon dos un coton ouaté que j'ai enfilé rapidement. Je suintais, j'étais comme la brebis galeuse. Ah, c'est ça, ben ouais. Et le soleil s'étirait sur les bikinis. Et devant moi, j'ai vu arriver une fille en scooter, parce que c'est la mode là-bas, le scooter. Ici, c'est pas encore la fine pointe, là. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la grosse mode. Mais là-bas, il y a beaucoup de scooters et de scooters. Et j'en vois une, j'ai dit, oh, superbe fille. Fait que là, elle s'installe à côté de moi, elle place son sa serviette, enlève tout ça, ben, et là, à un moment donné, est venu le temps d'une chanson, et elle a retiré ce soutien-gorge. J'ai dit, c'est incroyable! C'est là qu'il faut habiter, c'est à Nice, c'est pas ailleurs sa planète, c'est là-bas qu'il faut rester! Que j'ai mon chalet, j'ai vu sur la mer et surtout sur les monokinis. Alors, le soleil s'étire sur les bikinis, c'est merveilleux! Oh! Quel beau souvenir! Hey, là, ça, c'est une petite lampe. Une belle lampe que l'on aime bien, qu'on aime bien tirer. T'aimes-tu ça, tirer des lampes? Oh, régulièrement, surtout entre 20h30 et 22h. Oh, le samedi. Mais c'est rare, c'est canadien. Tous mes ébats, tous les déboires que j'ai hurlés, tout bas. Dans ma conscience, il m'accompagne, il est tout sans tarder mes prisons et mes bagnes. À toi, mon ventre, cet hommage, toi qui tempères mes émoisés, mes rages. Toi que l'on dit être un peu gros, j'y trouve assez de place pour imprimer les mots. La vie, c'est des virages en vain, dans mon airbag à moitié plein. Je m'étale à non plus finir, mon ventre veut jouer les martyrs. La vie, c'est des virages en vain. Des secrets scellés dans la soie, des crasses à classe et la souleur, Thomas. Y'a tout dans mon fameux bazar, mes envies et mes voix, sa vie dans les tiroirs. Une discrétion de maladie, il m'a fallu comme un signe distinctif. À trop tutoyer l'élégance, j'ai mon truc à moi, le papillon sur la panse. La vie c'est des virages en vain, dans mon airbag à moitié plein. Je m'étale à non plus finir, mon ventre va jouer les martyrs. La vie c'est des virages en vain. Et ouais. Moi masculin, ça j'en suis sûr, et ma révolte est certes contre nature, puisque les femmes m'ont pris ça, bel et bien rond pendant 9 mois. J'ai mon beau ventre à vie, c'est ma vengeance à moi. La vie, c'est des virages en vent, dans mon airbag à moitié plein. Je m'étale à non plus finir, mon ventre veut jouer les martyrs. La vie, c'est des virages en vent, dans mon airbag à moitié plein. Je m'étale à non plus finir, mon ventre veut jouer les martyrs. La vie, c'est des virages en vent. Ok, oui, si tu étais un moment de la journée. Alors, entre 2h et 4h du matin. Oh, ok, en fin de... La nuit. À la nuit. Je suis quelqu'un de profondément de la nuit. Ok. Et entre 2h et 4h du matin, précisément, parce que c'est l'heure où quasiment tout s'éteint. Oui. Et c'est les 2h où souvent je suis plus créatif. Ok. Et où je me sens un espace de liberté où la vie, tout s'éteint. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que moi. Ok. Et tu sens que les ondes sont de ton côté. Et j'adore la nuit. Hein. Je suis quelqu'un de nuit qui sort tout le temps. Hein. Je suis un oiseau de nuit. Ok. Mais je trouve que... Alors on va dire 3h. 3h du matin. Chez nous, 3h du matin, c'est la fermeture des bars. Oui, mais nous, c'est 2h aussi. Oui, ben voilà. Si tu étais un autre individu... C'est marrant, je me pose. Franchement, être un autre individu. Oui. Non, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Ah, mais aucun artiste a voulu être un autre individu. Non, et franchement, et pourtant, avec tous les défauts que ça comporte et tout ce que. Je trouve que. Non, j'ai. Je trouve que vouloir être quelqu'un d'autre, c'est rater sa vie, quoi. Et même si je trouve que nos échecs sont aussi importants que nos réussites, et non, même si ça sera recommencé, et pourtant il y a beaucoup de choses, on a des échecs dans la vie, on a beaucoup de choses, mais non, le même mais en m'améliorant. Ok.

Elle avait une dent contre elle. Ben oui, c'est pour ça qu'elle s'est dit, moi, je veux faire carrière ailleurs, là. Ma mère m'aime pas. Mon père, lui, est pris dans ses, dans ses dossiers judiciaires. Alors donc, moi, il faut que je m'exhibe. Ben, effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Oh, elle, il faut que j'aille voir ça ailleurs. Donc, la Brigitte Sirois a quitté son Cap Rouge natal pour atterrir à New York. Endroit où elle a rencontré son impresario de l'époque qui s'appelait Tino Randor. Oh, Tino Randor, ben oui. Tino Randor qui lui a dit, écoute, moi, tu structurerais ça, moi, ma petite fille, ta carrière, tu vas faire de la chanson. T'as pas de voix, c'est pas important. Il y en a plein dans la musique qui ont pas de voix puis qui ont fait une carrière. Parce qu'il parlait comme ça, c'était un francophone, mais qui lui a appris l'anglais. Oh, comme Céline Dion, ouais, ouais, un peu. Sauf que Britney, elle, ce qu'elle voulait, c'est monter et redescendre aussitôt. OK. Alors, c'est pour ça que la petite Brigitte Sirois, hein, son impression, on disait, ben, Brigitte n'a pas de très américain, mais Brigitte Britney, hein, c'est Ross Spears. Alors, c'est pas si Spears. Et il l'a gardée ainsi pendant 2 ans. Il a structuré cette jeune fille, comme on dit dans le milieu artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je peux pas en parler, là. Ben dis-le donc un petit peu. Non, je peux pas. Oh, tu nous caches des choses. Ben oui, ben là, il l'a mis à sa main, là. Il l'a comment dire, un peu comme une poterie, hein? Il l'a malaxé. Et c'est devenu ce que ça veut... que c'est devenu. Le moule a cassé, j'espère, hein? Parce que Britney Spears, aujourd'hui... Ouais, mais à l'époque, là, il y a 3-4 ans, c'était la méga vedette. Elle a fait Circus. Oh! Avec sa voix de nymphette. C'est pour ça que sa carrière a fonctionné aussi fort. Oh! Alors, les gens mis sur la nymphe, ben oui. La nymphe a toujours eu prépondérance dans notre société contemporaine. Il faut demander à Nabokov. Ah, ben, on peut pas lui demander. Il n'a pas voulu répondre au téléphone. On l'a signalé tantôt. On voulait lui discuter de cet événement en onde, de sa Lolita. Puis, il nous a raccroché. Tu sais comment c'est, les Nabokov, hein? Oh, monsieur, ouais. Surtout lui, hein. Ah, il a pas un ego, lui. Il a un hyper-ego. Et son hyper-ego, ben, il était très... très égocentrique, puisqu'il dit à quelle station, j'ai dit c'est KRL, il dit je connais pas ça, il raccroche. À New York, hein, c'est KRL, c'est en Russie, c'est KRL, c'est connu comme Barabas dans la Passion. Ben oui, voyons donc, ça devait être pas de sa journée. Ben c'est ça, Britney Spears l'a appelé peut-être, puis elle a dit non, je ne veux pas, puis il s'est frustré de ça. Alors Britney Spears, hein, faut se souvenir, lorsque vous l'entendrez ou la verrez en vidéo, que c'est une Québécoise de Cap Rouge et qu'elle s'appelait à l'origine Brigitte Sirois, c'était l'errance rénadienne. Eh oui, le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. C'est la fin. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve samedi prochain pour l'avant-dernière errance dans ce créneau horaire. Et je peux pas vous en dire davantage. On m'a dit, il y a un ghetto. Mais un ghetto, quel ghetto? Tu peux pas en parler, parle-en pas. Bon, je peux pas en parler. Alors, c'est un secret d'État. Et moi, ça me met dans tous les états. Moi, je peux pas, moi. Je suis un grand sac ouvert à la page 69. Non, un grand livre. Je suis un grand livre ouvert à la page 69, moi. Les secrets d'État, je dois les divulguer. Non. Alors, c'était... On va le fermer là. On ferme le micro, Jean-Luc. Il va dire des affaires, là. C'était Rénal Gagné. Merci. À la semaine prochaine pour l'avant-dernière d'Errance rénaldienne. Restez des nôtres. Une émission... progressive, oh là là, pour les amateurs, et il y en a, croyez-moi, à Québec, suivra, et puis, c'est maintenant le temps de nous quitter, comme je dis, depuis 2 minutes. Hey, 2 minutes, ça passe vite, hein? Oh, très vite, très très vite, c'est comme du beurre dans la poêle. Oh, est-ce qu'il est dans la poêle? Oui, à côté, ça va faire une flamme, oh, l'incendie à Rio, ouais, comme tout à l'heure. Bye-bye, Rénal Gagné, à la prochaine. Sur la ligne d'attente, impeccable, impassible, tout se trouve sur la pente, et j'attends sous la cible, juste un trou dans mes pierres, un point de rouillard m'écrit, même un grain de poussière, quand mes murs se fendillent, c'est ma vengeance infime, des fuites en millimètres. Que personne ne devine, je voyage par les fenêtres. J'attends, et mes cris s'éternisent. J'attends que faire d'autre vie ma faute. J'attends même les jours de beau temps. La caresse est immonde, le soleil se fout le camp. Je fais le tour du monde, la purée du midi peut changer du ciment. Le menu c'est ainsi, prend par les sentiments. Et dans les centimètres de mes appartements, je voyage par les fenêtres, je m'échappe à mi-temps. J'attends, j'attends, et mes cris s'éternisent dans mes cris indolents. J'attends que faire d'autre vie ma faute. J'attends. Peut-être demain, ou bien l'année prochaine, même à la Saint-Glinglin, c'est chaque jour de la semaine. Le coup près prend son temps, c'est l'habit en caprice, la mort a pris des gants, mais le temps sent la pisse, c'est goodbye pour bientôt. C'est pas ça qui rend dingue, chaque seconde est en trop. C'est l'attente qui vous flingue. J'attends, j'attends, et mes cris s'éternisent dans mes cris indolents. J'attends que faire d'autre. J'attends, j'attends, et mes cris s'éternisent dans mes cris indolents. J'attends que faire d'autre vie ma faute. J'attends. C'était encore qu'elle fasse son numéro, quoi. Oui, exactement. Oui, oui. Oui, c'est le fameux mec du samedi soir. Oui, exactement. On n'est pas poussé. Oui, bah oui, bah écoute, c'est pas bien grave. Pas bien grave parce que son album est extraordinaire. En c'est vrai, extraordinaire. Et je veux dire, Brigitte est une grosse fumeuse. Oui. Et elle ne peut pas rester une heure sans fumer. Bon, ben, c'est comme ça. Elle n'arrêtera jamais de fumer. Hein. Bon, maintenant, à son âge, pourquoi elle arrêterait Mais Alain Bachung a arrêté de fumer. Sur la fin, il avait sérieusement ralenti, mais il n'avait jamais complètement arrêté. Ah ouais. Voilà. As-tu des regrets d'artistes que tu aurais aimé jouer avec eux, mais malheureusement... Gainsbourg. OK, ouais, c'était ma phrase, Gainsbourg. Hein? Gainsbourg, oui. À quelle époque? Étonnamment, non, moi, mais l'époque où j'aurais aimé jouer avec lui, il faisait pas de concert à l'époque. Non, parce que moi, le Gainsbourg que je préfère, c'est le Gainsbourg de la fin des années 60, c'est-à-dire... L'homme à tête de chou. Ouais, même avant, c'est-à-dire tout, entre la fin des 60 et... Juste avant qu'il fasse ses albums reggae, en fait. Okay, toute cette période juste avant, c'est-à-dire vu de l'extérieur. Oui. C'est cette période-là, oui, lui... Donc du coup, quelque part, quand j'ai joué avec Jane Birkin, c'était quand même un vrai plaisir, parce que ça m'a permis quand même de jouer des chansons de Gainsbourg. Voilà, donc ça a été quand même un moment très important pour ça. Donc ça, je suis... De ce côté-là, je suis vraiment ravi, mais ouais, voilà. Oui, en France, Gainsbourg, Léo Ferré. Oui, bah, j'aurais adoré travailler avec Léo Ferré. Mais il ne jouait qu'avec des bandes, hein. C'est les trucs qui étaient préenregistrés, donc... Bah, non, il a fait des concerts aussi avec grand orchestre. Oui, mais très rarement, oui. Mais bon, ça reste... Un monument. Mais voilà, donc moi je te dis en France, hein, après à l'étranger, il y en a plein. Elvis Presley, sans doute. Les Beatles, pourquoi pas. Oui, non, mais là, si tu veux, dès qu'on rentre dans le domaine étranger, la liste, on peut en mettre 10 000. Oh, mais oui. C'est vrai, qu'en France, je dirais oui, c'est Gainsbourg, Léo Ferré, si. Ah si, une personne, ça, oui, par contre. Oui. Une personne où j'aurais vraiment rêvé. Et en plus, je connais plein de gens qui ont travaillé avec elle, oh, qui m'ont dit que si on s'était rencontrés, on aurait vraiment bien fonctionné. Ah, ouais. C'est Barbara. Ça, oh, c'est, voilà, je dirais que ouais, mon plan. Pourquoi vous auriez bien fonctionné? Bah, parce que, je sais pas, il paraît les personnalités. Les gens qui ont travaillé avec elle, qui me connaissent, parce qu'il y a des techniciens qui ont travaillé avec Bachung, qui ont, ouais, travaillé avec Barbara. Ouais. Je parlais aussi avec Mahu, le percussionniste d'Ijna, qui a, ouais, travaillé avec Barbara, qui m'a dit, écoute, vous aviez la même. Il m'a dit, je connais ta personnalité, je connaissais la personnalité de Barbara, vous auriez travaillé ensemble, vous seriez entendu, vous étiez fait pour travailler ensemble. Barbara? Je suis un grand fan, ouais, de Barbara. La chanson de Barbara, exemple, si je veux faire jouer une pièce musicale après notre rencontre. Mes hommes. Mes hommes, ok. Okay. Voilà. Hey Yann, merci de ta rencontre. Moi aussi, c'était un vrai plaisir. Et ici à Paris, sur la rue Oberkampf, oui, Paris. Au Café Charbon, qui est. Oh, oui, c'est un endroit in. Ah oui, c'est l'endroit branché de la rue Oberkampf. Okay. C'est in et c'est l'endroit. Voilà, si des Québécois viennent un jour à Paris, s'ils viennent entre minuit et 2h du matin, s'ils sont là plusieurs jours, ils ont une chance sur deux de me voir. Ah oui, ok. Et c'est là que ça se passe. Okay. C'est vraiment là que ça se passe. Après, il y a tous les bars autour, mais toi, tu arrives la journée, mais à partir du soir, c'est bon, c'est le lieu in de la rue Oberkampf aussi. Où on retrouve des artistes. Oui, énormément. Okay. Énormément. Des acteurs, des artistes, des chanteurs. Voilà, c'est très, très. Tous les jours, il y a des chanteurs qui sont là. Quoi. Ok. Voilà, alors, au Charbon. Café Charbon. Café Charbon. Alors, merci Yann encore de ta générosité. Et on se rencontre sans doute au Québec où je serai assis en attendant un spectacle quelconque. Avec plaisir. Salut Yann. Émotions censurées, j'en ai plein le conteneur. M'accroche au cendrier, m'arrange par les maxillaires. Section rythmique, section de combat, effet secondaire. Séquelles, c'est tout ce qui me reste. Caractère. Tête brûlée, j'ai plus qu'à m'ouvrir le Canada. N'essayez pas mes femmes, je m'incendie volontaire. Volontaire. À la main, les yeux sortiraient que je suis pas d'équerre. Vol de nuit sur l'Antarctique, j'attends la prochaine guerre. Jamais d'escale, jamais de contact avec l'ordinaire. Perdu la boussole, le compas.